On va faire le bilan du centre de ski de Toboski de Saint-Félicien avec notre ami Simon Ouellette. On sait qu'on a fait le demi-ski la semaine passée. Là, on va faire le Toboski. Salut Simon. Salut Danny! Simon que j'ai connu à l'époque de la traversée du lac Saint-Jean à vélo de montagne, qui est rendu directeur général du Toboski. Dis-moi, comment tu trouves ton nouveau défi? C'est la première fois qu'on se parle en tant que directeur. Ben évidemment là, c'est sûr que moi j'ai pas pu laisser passer l'opportunité comme on dit là, étant un grand passionné de vélo de montagne puis également là, de sport hivernal entre autres avec le ski de fond et le ski alpin là, c'est sûr que quand l'opportunité m'est venue avec la ville de Saint-Félicien, j'ai pas pu manquer l'occasion. Puis honnêtement, c'est vraiment un beau défi qu'on a devant nous. Le Toboski, c'est vraiment une belle infrastructure avec 70 km de sentiers de vélo de montagne, puis tout ce qu'on connaît de l'hiver aussi. Fait que c'est vraiment un beau défi. Puis honnêtement, là, on peut arriver à quelque chose de bien, ça c'est Es-tu sûr. content que tu t'es occupé de la traversée? Je sais que tu l'as encore à cœur, que ça a quand même bien été cette année. Es-tu content? Oui, personnellement, je suis très content. Puis, tu sais, en tant qu'organisateur d'événements, l'objectif, c'est toujours que ça perdure dans le temps, hein. C'est un peu ça le défi des événements. Puis de voir là, que ça se perpétue année après année, ben c'est vraiment, je suis vraiment très content de ça, là. OK, donc Toboski, je t'appelle pour le Toboski de Saint-Félicien. Comment ça s'est passé cette année? Est-ce que c'était une belle année? Oui, donc c'était un hiver un peu en deux temps. Hein. Le premier, là, mois de janvier, temps des fêtes, c'était très froid. Donc vraiment, là, on a eu un temps favorable pour le fat bike, entre autres, qui était vraiment très bien. Au niveau du ski alpin, c'était un petit peu plus difficile en début de saison. Mais je te dirais qu'avec les grandes précipitations de neige qu'on a eues là, de février, mars, ça nous a permis vraiment là, d'avoir une belle fin de saison pour le ski alpin, le ski de fond également. Donc, grosso modo, vraiment une belle saison. Qui aura permis là, de terminer la saison quand même le 3 avril pour le ski alpin, puis le 10 avril pour le ski de fond fat bike. Donc vraiment là, une belle fin de saison. Puis grosso modo, là, ça a été quand même là, on a eu des nouveaux utilisateurs aussi chez nous. Ouais, C'est c'était ça ma toujours prochaine l'objectif, question. c'est d'attirer du monde. Ouais. C'est d'attirer toujours du nouveau monde. Fait que ça a été vraiment positif aussi à ce niveau-là, là. OK. Donc, si on parlait donc au niveau du nouveau monde, j'imagine que la COVID a aidé, malheureusement, pour vous autres, là. Oui, c'est sûr que, tu sais, des fois, là, avec les sports qui est un petit peu moins accessible cet hiver, ben, les gens se sont tournés encore plus vers le plein air. Fait que, on a vu des nouveaux visages, évidemment. Puis ça, c'est toujours ça l'objectif, un petit peu, là, nos adeptes, on veut les garder, mais on veut aussi attirer, là, une nouvelle clientèle. Fait que c'est toujours bien positif dans ce sens-là. Puis, durant la semaine de relâche, on a aussi eu un événement, là, porte ouverte, là, qui est organisé en collaboration avec le Cégep de Saint-Félicien. Fait que ça nous aura permis, là, un peu, là, de peut-être d'initier, là, certains nouveaux utilisateurs qui seront de retour, pourquoi pas, l'année prochaine, là. OK, donc y a-t-il de y a, donc la neige a aidé beaucoup, la température a aidé beaucoup. On est comme un peu tanné de ça, les gens. Moi, ça me dérange pas parce que quand même si on chialera, il va neiger pareil là. Sauf que pour vous autres, ça doit paraître 2 3 semaines. C'est un peu comme les clubs de golf, ça doit paraître 2 3 semaines de plus dans l'année. Les clubs de golf qui ouvert l'année passée à pareille date l'année passée, ça fait une méchante différence entre un profit et un déficit à la fin de l'année là. Non, c'est ça fait vraiment une différence. C'est sûr que le défi, c'est toujours quand même d'avoir la clientèle au rendez-vous, parce que Ouais. oui, on peut rallonger la saison, mais ça veut pas dire que les clients vont être présents. Fait que c'est un peu ça toujours le défi, mais c'est clair que ça ouvre C'est-tu comme au beaucoup club de plus golf, un club de golf? d'opportunités. Un club de golf, normalement, comme au mois d'avril, ça donne le ton normalement à la saison. S'il neige au mois de novembre, est-ce que ça peut donner un ton? Oui, puis ce qui est particulier cette année, c'est que grosso modo, on a eu beaucoup de neige, mais la neige, c'était long avant qu'elle tombe. OK. Donc, l'avantage, là, c'est vraiment pour une station de ski, c'est qu'il y a de la neige vraiment tôt pour que la saison commence Ben, c'est tôt. surtout un nul puis jour de l'an, la clé, Mais, là. ouais, c'est ça, absolument, absolument. Tu sais, si Noël puis jour. Mais vous autres, vous avez un canon à neige. Je sais pas comme à demi-ski. Vous pouvez toujours fabriquer de la neige. À demi-ski, c'est plus compliqué, là. Oui, exactement. Ben nous, là, c'est pour te faire une histoire courte, Danny, le 18 décembre, c'était la première journée de ski. Puis à côté des pistes de ski, on voyait l'herbe. Donc, c'est vraiment les premiers skis ont été faits vraiment à 100% à cause de la neige artificielle. Puis une chance qu'on a ça, sinon là, la saison aurait commencé beaucoup plus tard. Ouais. Donc, là, sur quoi vous allez tabletter pour la saison bon, toi, tu vas travailler, là, vous allez passer en mode vélo de montagne, ça c'est sûr, mais j'imagine que tu prépares également la saison prochaine. Sur quoi tu vas tabletter pour l'année prochaine? Oui, ben comme tu le mentionnes, Danny, là, on travaille beaucoup actuellement là, sur préparer la saison de vélo de montagne. On a fait entre autres l'achat d'une mini-excavatrice là, pour aider là, aux travaux sur le terrain puis encore bonifier l'expérience vélo de montagne. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment une belle nouvelle dernièrement qu'on a eue. Mais je te dirais qu'en prévision de l'hiver prochain, là, ce qu'on veut faire, c'est d'améliorer un peu là, notre système d'enneigement artificiel. On va augmenter notre capacité d'eau parce qu'on a quand même trois canons à neige là, puis ça prend beaucoup d'eau. Pour permettre là, de faire de la neige artificielle encore plus efficacement. Puis on veut aussi améliorer là, le nivelage de notre piste là, numéro 6, qui est comme notre piste un petit peu plus expert, qui prend beaucoup de neige justement artificielle, là, fait que ça fait en sorte qu'on a de la misère à l'ouvrir aussi tôt qu'on voudrait. Donc on veut vraiment améliorer là, notre capacité d'enneigement pour ouvrir un petit peu peut-être le centre un petit peu plus tôt qu'à l'habitude. Fait que c'est vraiment ça les objectifs pour l'hiver prochain, là. Ok. Là, tu prépares là, t'es comme en deux saisons, tu prépares ton année de vélo de montagne, c'est ça? Ouais, c'est ça absolument, là. Donc les gars sur le terrain là, commencent à préparer là, tout ce qui est VTT, outils, machinerie là, en prévision là, de l'ouverture de la saison. Puis tu sais, c'est sûr que ce qui est spécial, c'est que l'an dernier, le 24 avril, là, c'était le début de la saison de vélo de montagne, mais là on est vraiment loin de là. Ah non. Donc on risque d'être possiblement là, un mois plus tard. Fait que ça a quand même des incidences importantes sur le vélo de montagne, mais on va être prêt là quand que la neige va disparaître, là on va être prêt pour le vélo de Là, t'as montagne la qui s'est suivi. compétition québécoise, mais t'as-tu d'autres choses qui s'en viennent aussi? Oui, effectivement, il y a le championnat québécois là qui aura lieu Ouais. là autour du 1er juillet. Sinon, au niveau là de, alors, évidemment, c'est toujours en collaboration avec le club Vélo 2 Max qui est vraiment très actif chez nous là, qui va vraiment présenter beaucoup d'activités, surtout là de l'initiation. Donc, on va vraiment avoir une programmation complète cet été qui va sortir peut-être en début mai. Fait que Oh, là-dessus, cool. là, il va y avoir beaucoup d'activités pour Monsieur, Madame, tout le monde, mais aussi pour les adeptes de vélo de montagne, là. Ok. Donc peut-être faire une autre entrevue dans le temps aussi, peut-être pour parler de Ben la. oui, absolument. Ok. Ben Simon, merci beaucoup. Bonne chance au nouveau défi. Je sais que je l'apprends en retard là, sauf que c'est quand même le fun d'avoir des gens qu'on connaît qui avec qui on peut parler. C'est plus facile de collaborer. Oui, absolument, Danny. Merci beaucoup à toi. Voilà Simon Ouellet, directeur général du club de ski de l'Autoboski de Saint-Félicien.